Voici Monsieur Patrice Lumumba qui descend. Il est vêtu d'une chemisette, il a toujours sa petite barbe, une chemisette assez sale, un pantalon bleu, il a les mains attachées derrière le dos avec une corde. Il a l'air assez triste d'ailleurs. C'est la première fois, puis-je dire, que l'on voit M. Lumumba toujours si sûr de lui, toujours si triomphant, être aussi abattu. Je crois que cette fois-ci, il est vraiment très touché par les événements et par cette arrestation. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné. Que sait-on aujourd'hui, 40 ans plus tard, des circonstances exactes de l'assassinat, Elikia Mbokolo ? Que sait-on de ses auteurs réels et de leur véritable motivation ? Philippe Saint-Denis, l'assassinat de Lumumba est l'un de ces mystères qu'on met beaucoup de temps avant d'y voir un peu clair. Aujourd'hui, on commence à y voir clair. Il y a eu une commission de l'ONU en 1962, une commission des Congolais en 1991 et en 2000, une commission sénatoriale belge sur l'assassinat de Lumumba. Disons que l'assassinat intervient dans ce climat de paralysie politique et institutionnelle qui frappe le Congo. La question, c'est qui a voulu l'assassinat et qui l'a perpétré. Il apparaît que dès le mois d'août, des télégrammes venus des États-Unis, en particulier d'Alan Dulles, qui était le directeur de la CIA, mais aussi des lettres venues du ministère des Affaires étrangères de Belgique, ont permis de mettre au point très vite en septembre un fameux plan Barracuda, prévoyant pour les uns la neutralisation et pour les autres l'élimination pure et simple de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba a essayé de s'enfuir le 27 novembre, il est arrêté le 2 décembre et transféré dans un camp militaire. C'est de ce camp que le 17 janvier, on vient le chercher. C'est un avion de l'armée nationale congolaise piloté par des officiers belges. Et Patrice Lumumba est emmené avec ses deux amis, Maurice Mpolo et Joseph Okito, vers Mwanda d'abord, sur la côte atlantique, et ensuite vers Elisabethville, notre Lubumbashi aujourd'hui. Ce qui se passe ensuite est absolument horrible. On rapporte que dans l'avion qui l'emmenait à Elisabethville, des soldats ont arraché des touffes de sa barbe et de ses cheveux et l'ont obligé à les avaler. Ils sont ensuite emmenés dans la savane, à quelques dizaines de kilomètres d'Elisabethville, et là, un escadron de 20 soldats katangais, encadré par des officiers belges, va les exécuter. Ce qui se passe ensuite, après ce 17 janvier, est encore plus horrible. Les trois hommes sont enterrés d'abord sur les lieux de leur exécution. Le 18 janvier, ils sont déterrés, dénudés et enterrés dans un autre village, dans le pays de l'un des ministres de Moïse Tshombe. Et dans la nuit du 22 au 23 janvier, ils sont de nouveau déterrés, découpés à la scie à métaux, dissous dans de l'acide sulfurique fourni par l'union minière du Haut-Katanga. On dit que cette nuit-là, les meurtriers ont bu beaucoup de whisky et que l'un des officiers belges a gardé une dent de Patrice Lumumba à titre de trophée, tandis qu'un autre retirait de sa tête une balle en guise de souvenir.